êtes arrivé. La la la la. Good afternoon, Toronto. You're listening to Suppression here on CHRY 105.5 FM. My name is Metsu. I'm going to be with you until the end of the hour, playing some French language punk, ska, and hardcore. So stay tuned. It's going to be a great show. C'était Barbie Génocide, ici à Suppression, l'émission de punk, de ska et de hardcore francophone diffusée à chaque semaine ici à partir de Toronto, là, aussi à Charlie Grec 105.5 FM et aussi à Yellowknife à partir du CIVR 103.5 FM. Moi, je m'appelle Mathieu et je suis avec vous jusqu'à la fin de l'heure. Comme j'ai dit, je vous fais jouer du punk, du ska et du hardcore, et tout en français. On a commencé l'émission, comme je disais, avec Barbie Génocide, la chanson Barbie Génocide d'un EP éponyme sorti... Quand ça s'est sorti, ça? Je ne me rappelle plus. Ça fait pas longtemps, ça fait quelques années, mais le groupe, je crois qu'ils se sont séparés, se sont peut-être reformés en 2010... Je viens de les découvrir un peu en fin de semaine, alors je les connais pas tant que ça. Mais je vous trouve un peu plus d'informations concernant le groupe un peu plus tard dans l'émission ou dans une émission future, parce que je vais en faire jouer bien souvent. C'est un excellent groupe. En parlant d'excellent groupe, je continue avec un groupe que j'ai fait jouer la semaine passée ici à Suppression. C'est un groupe d'Ottawa qui s'appelle Asile. La chanson que je vous fais jouer la semaine passée, c'était Soldat. Cette semaine, je vais vous faire jouer une autre de leurs chansons, la chanson Nulle part. Alors voici Asile d'Ottawa ici à Suppression. We'll be right back. l'autre fois? Parce que je pouvais te la bière! Oh! Fuck! Salut, vous êtes toujours à l'écoute de Sous Pression, zone CHRY 105.5 FM à Toronto et le CIVR 103.5 à Yellowknife. Pour ceux et celles qui viennent de nous rejoindre, moi je m'appelle Mathieu et je suis avec vous jusqu'à la fin de l'heure. Je vous fais jouer du punk, du ska, du hardcore, tout en français. Et on a commencé, on a commencé le dernier bloc avec du Asile, un groupe d'Ottawa, la chanson Nulle part. Après ça, on a écouté du Chicken's Call, un groupe de Grenoble, en France, avec la chanson Une vague de rage de leur EP éponyme sorti en 2009. Salle gauloise après ça, avec Parce que je bois de la bière, d'un album live sorti, c'est un enregistré live évidemment, qui s'appelle Dans la fosse aux douleurs. Flocon givré après ça avec Emo Seigneur, et on vient de terminer avec Défaillance et Je dégueule sur toi de leur album Mort vivant. Alors on a commencé le bloc avec... le dernier bloc, on a commencé l'émission un peu avec quelque chose, la musique un peu du côté... hardcore, un peu plus agressif. Je vais peut-être ralentir. L'émission va pas se ralentir, mais on va faire changer un peu de gear là, un peu, puis jouer quelque chose d'un peu plus vieux. Un groupe que j'ai découvert en fin de semaine, un groupe qui s'appelle Charnier, un groupe français. Ils ont sorti un album qui s'appelle Explosif en 1984. Alors ça fait assez longtemps là. Et apparemment c'était un groupe composé de membres qui ont un peu plus tard formé ou avec les mêmes membres du groupe Les Cadavres. J'ai lu ça sur l'internet, je peux pas le confirmer à 100%, je vais juste répéter ce que j'ai lu. Alors je vais faire jouer une chanson de cet album-là, Explosif, la chanson Ennemi, c'est le deuxième morceau de cet album-là. Alors c'est ça, voici Charnier ici à Sous Pression. Thank you. Tchernobyl, Tchernobyl, j'ai peur pour Tchernobyl. Les atomes détruisent la ville, les poumons faits de vinyle. Une gaffe parmi les autres, une erreur, c'est pas leur faute. Un génocide involontaire, respires-tu la mort dans l'air? J'ai peur, Tchernobyl, j'ai peur, Tchernobyl. Salut, vous écoutez toujours Sous Pression, vous en ondes CHRY 105.5 FM à Toronto et les CVR sur 3.5 FM à Yellowknife. Dans le dernier bloc, on a commencé avec une chanson par Charnier, la chanson Enemy de leur album explosif. Ain Brigade après ça avec Nox Lupi, tiré d'un split qu'ils ont fait avec Beru Renoir. C'est deux chansons de Ain Brigade, une chanson de Beru, la chanson Mac Novchina qui un peu plus tard ont sorti cette chanson là sur une compilation Enfoncer le clown qui est sorti je pense 10 ans après le dernier concert de Beru. Après ça c'est du Camera Silence avec Est Ouest, Banlieue Rouge avec Tchernobyl de leur premier album En attendant demain. Le premier album studio, ben en fait, le premier album au complet. Et on vient d'écouter du AOC avec Rappelle-toi Didier de leur album ACAB ou bien l'acronyme pour All Cops Are Bastards. Alors, c'est ça, on est rendu à mi-chemin de l'émission. Vers cet ainsi, à chaque semaine, je vous rappelle que l'émission a un site web. Vous pouvez visiter le www.souspression.wordpress.com, le www.souspression.wordpress.com. .wordpress.com où vous pouvez écouter l'émission à partir du site web. Vous pouvez aussi la télécharger gratuitement, l'écouter n'importe quand, n'importe où. Il y a aussi la liste des chansons qu'on fait jouer à chaque semaine ainsi que des liens vers d'autres sites web, des sites de des groupes ou des sites web qui ont rapport avec le punk, le ska, l'hardcore et le OI francophone. On a aussi une présence sur Facebook, c'est facebook.com/sous-pression, facebook.com/sous-pression. Vous pouvez trouver des informations concernant l'émission et le punk, le ska et l'hardcore francophone aussi. Et si vous avez des demandes spéciales, des commentaires, des plaintes même, vous pouvez nous envoyer un courriel sous-pression@chry.fm, sous-pression@chry.fm. Si vous êtes partie d'un groupe, vous voulez nous envoyer de la musique, vous pouvez toujours faire ça ou nous envoyer un courriel pour avoir plus d'informations là-dessus. Alors, avant de rentrer dans le dernier bloc, je veux un peu donner du contexte parce que je veux expliquer le prochain bloc. C'est pour ceux et celles qui sont peut-être au Canada ou parce que vous pouvez bien sûr écouter l'émission, comme j'ai dit, à partir du site web, alors ça s'écoute un peu partout dans le monde. Alors, ben pour ceux au Canada et surtout ceux et celles en Ontario, vous avez peut-être si vous suivez les nouvelles, vous avez sûrement entendu parler de l'usine de Electromotive à London en Ontario. C'est une usine qui fabriquait des pièces de machines pour la compagnie Caterpillar, la compagnie américaine Caterpillar. Et le 1er janvier, Caterpillar a acheté l'usine Electromotive à London en Ontario. Il l'a acheté une couple d'années, puis le gouvernement canadien conservateur leur a encouragé de venir ici, leur ont donné des rabais avec les impôts puis tout ça. Alors la compagnie Caterpillar est venue, est arrivée, il employait, je pense, presque 500 personnes. Et le 1er janvier de cette année, la compagnie a approché le syndicat, qui représentait les membres, les ouvriers, les ouvrières à l'usine, et ont exigé une coupure de salaire de 50%. Alors, on demandait que les employés là-bas, à l'usine, coupent leur salaire de 50%, qui tombe jusqu'à au moins 16$ l'heure. Ce qui est, pour n'importe qui, perdre 50% de leur impôt, leur revenu, pardon, c'est sérieux. Ceux qui ont des voitures à payer, des enfants à nourrir, à loger, c'est pas n'importe quoi. Alors, comme de raison, comme n'importe qui l'aurait fait, le syndicat et les ouvrières ont décidé de rejeter l'offre de la compagnie. La compagnie Caterpillar ont barré les portes et ont fait un lockout. Ils ont pas permis aux ouvriers, aux ouvrières, aux travailleurs, aux travailleuses de retourner au travail jusqu'à temps qu'ils acceptent leur offre d'une coupure de salaire de 50%. Alors, le lockout a continué jusqu'à la semaine passée où quand la compagnie a décidé, Caterpillar a décidé de fermer les portes, de l'usine Electromotive et d'aller faire leur business aux États-Unis sans le syndicat. Là, ils ont carrément assez de briser le syndicat, c'est ça qu'ils ont fait. Alors, là, il y a une grande... Les gens, heureusement, sont un peu partout en Ontario, en London et partout au Canada. Ils sont pas bien contents avec ce que la compagnie Caterpillar a fait. Des compagnies comme de vêtements comme Mark's Work Warehouse qui refuse de porter des biens de Caterpillar des linges de Caterpillar dans leur magasin à London. Et alors c'est ça. Alors puis les syndicats comme le syndicat qui représentait les travailleurs et travailleuses ont décidé d'entreprendre des actions. Ils parlent un peu de peut-être occuper l'usine. J'espère qu'ils vont occuper l'usine pour montrer que la classe ouvrière n'a pas besoin du patronat pour fonctionner. Alors c'est ça, mais je vais dédier le prochain bloc aux ouvriers, aux ouvrières qui travaillent à l'usine Electromotive et qui ont lutté contre la compagnie Caterpillar. Je vous encourage très fortement de faire ce que vous pouvez pour les appuyer et pour manifester votre colère envers la compagnie Caterpillar. Je vais dédier le prochain bloc à tous ceux et celles à London qui ont lutté contre la compagnie Caterpillar et en fait à tous ceux et celles qui partout dans le monde qui ont perdu leur emploi grâce à des compagnies qui ont décidé de déménager leur business, l'amener ailleurs afin de casser le syndicat ou de sauver de l'argent des compagnies. En fait, puis j'ai oublié de mentionner que Caterpillar ont tout fait ça cette année après avoir après avoir marqué des profits records de 5 milliards de dollars. Alors, c'était pas une question parce que, c'était pas parce que la compagnie faisait dur, c'était pas parce que la compagnie perdait de l'argent. La compagnie a fait des profits l'année passée de 5 milliards de dollars. Alors, c'est 5 suivis par 9 zéros. Alors, il n'y avait absolument aucune excuse. C'était carrément pour casser le syndicat. Et alors, je dédie le prochain bloc à ceux et celles qui travaillent à l'usine Electromotive à London et à tous ceux et celles qui luttent contre le patronat, leur patron, et contre l'injustice et l'exploitation et contre le capitalisme dans le monde. Alors, voici les esclaves salariés avec Cauchemar s'étend ici à Sous Pression. Malheur. Pour s'éveiller, Je veux être brûlé d'angoisse. c'était Impact avec Émeute de leur album Légende urbaine. Avant ça, on écoutait du Brixton Cats avec Sèche tes larmes, Brigade de Flores, Magone avant ça avec Pour ma classe de leur album Rock or Die, du Gerbier avec Tu ton boss de l'album Pélado au bûcher, Jeunesse Apatride avec Cœur de la ville, et on a commencé le dernier bloc avec Les Esclaves Salariés, leur chanson Cauchemar s'étend de leur album Dur à battre, le bloc dédié à tous ceux et celles, les ouvriers et les ouvrières qui travaillaient à l'usine Electromotive à London, en Ontario, qui ont été récemment perdu leur emploi après la compagnie Caterpillar a décidé d'aller faire plus d'argent ailleurs, malgré le fait qu'ils ont fait des profits de 5 milliards de dollars dans la dernière année. Alors, c'est pas une compagnie qui vit pauvrement. Alors, notre émission, notre temps ensemble tire malheureusement à sa fin, l'émission presque finie, mais j'ai le temps de vous faire jouer une dernière chanson. Je vais faire jouer une chanson par Yabasta de leur album Toujours Debout. Je pense que je vais faire jouer Question d'éthique, une bonne chanson sur un bon album par un excellent groupe. Yabasta qui a enregistré un DVD de live de leur dernier concert qui est disponible à acheter. Vous pouvez acheter ça par ça, je pense, du site Folklore de la Zone Mondiale, si je me trompe pas. En tout cas, j'ai arrêté de parler, là. Je vous laisse avec la dernière chanson, Question d'éthique, par Yabasta. Prenez soin de vous et nous autres, on se revoit la semaine prochaine.